Alors, en fait, quand je parle de valeur d'Internet, je m'appuie pas mal sur l'idée que c'est né dans les universités. Ce Internet est né dans les universités. Et donc, comme c'est né dans les universités, il y a un principe quand même assez important, c'est le principe scientifique dans l'université. C'est vraiment voilà, de développer, de faire croître l'information, de faire croître la connaissance. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup, la question que je me suis posée, c'est quelles sont les valeurs de la science? Et là-dessus, il y a un sociologue des sciences qui s'appelle Robert King Merton, qui a écrit un article en 1942 qui s'appelle The Normative Structure of Science, donc la structure normative de la science. Et donc, en étudiant en fait plus d'une centaine d'articles scientifiques de chercheurs au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle, il a remarqué qu'il y avait quelque chose en commun. Et dans ce commun, à tous, il y avait quatre valeurs, quatre principes de base. Alors, ce chercheur avait l'habitude un peu de mettre tout en initial. Il avait déjà commencé à mettre en place le principe de sur les épaules des géants, on the giant's shoulders, OTSG, qui pour résumer en fait les dogmes, enfin les principes qu'il mettait en place dans ses articles. Et là, dans celui de la Normative Structure of Science, il a mis en place un terme qui s'appelle QDOS, CUDOS, qui permet un peu de se souvenir de ce principe-là. Donc CUDOS, en fait, ce sont les initiales des mots qui composent en fait cette structure normative de la science. Donc le C, c'est pour le communalisme. Je reviendrai un peu sur ces termes, hein. C'est même l'objet de la séance qu'on vit ensemble. Donc C pour communalisme, U comme universalisme, D comme désintéressement et OS comme scepticisme organisé. Et donc, voilà, ce qu'il faut, Robert King Morton, pour revenir un peu, donc c'est un sociologue qui travaillait à Harvard, un sociologue des sciences, qui, avant d'arriver à Harvard, avait fait une thèse sur l'histoire et l'émergence de la science au XVIIe siècle chez les Britanniques. Et c'est vraiment à travers ce travail-là, ce cumul de savoir-là, qu'il a commencé à dégager des principes directeurs. Et ces principes directeurs, donc quand il les a écrits en 1942, c'est dans un contexte bien précis qui est la Seconde Guerre mondiale, où justement il y avait cette question-là, c'est comment ça se fait que un pays scientifique, industriel, fortement industriel, puisse en arriver à cette telle ignominie d'horreur avec l'ère nazie. Et donc à travers ces normes, il définit en fait pourquoi ils y sont arrivés, pourquoi ils vont échouer aussi en même temps. Et donc ça, on verra ça justement dans le scepticisme organisé, pourquoi une des raisons pour lesquelles ils allaient échouer de toute manière. Mais les autres fonctionnent plutôt pas mal. Donc on va commencer donc par le C, donc par communalisme. Donc communalisme, c'est le terme qui est arrivé à partir des années 60. Il a écrit dans l'article dans les années 80, mais le premier terme qu'il a utilisé à ce moment-là, c'était communisme. Donc évidemment, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était plus possible d'utiliser le terme communisme parce que ça décrédibilisait son propos sur les structures normatives de la science. Donc il a changé, il a migré vers un autre terme qui était plus acceptable et que les gens pouvaient mieux entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est la science, le résultat de la science est un bien qui appartient à tous. C'est vraiment c'est l'idée que quand on écrit un article, n'importe qui doit pouvoir y accéder, n'importe qui doit pouvoir se l'approprier. C'est quelque chose qui appartient, c'est un bien commun à l'ensemble de l'humanité. Ensuite, évidemment, il y a toujours besoin chez l'être humain d'une forme de reconnaissance. Donc ce qui apparaît là, c'est la reconnaissance qui se fait grâce à la renommée. À partir du moment où l'article, le savoir que vous avez produit a une forme a un intérêt, il va être repartagé, et donc du coup c'est ça qui va faire la validité de votre article. Ça veut dire que c'est la renommée que ça produit autour du savoir que vous avez créé. Donc ça, c'est le commun. Et pour que ça puisse devenir commun, il faut évidemment que ça puisse voyager et ça puisse s'échanger. Et c'est là où on arrive en fait à l'universalisme, qui est le deuxième terme. Donc en fait, Pasteur disait que le savant a une patrie. Un savant a une patrie, effectivement, mais la science n'a pas de patrie. C'est-à-dire que la science doit pouvoir voyager, ne doit pas avoir de frontières. Il ne doit pas y avoir de limites à la connaissance et au partage de savoir. Donc n'importe qui doit pouvoir recréer du coup les expériences qui sont faites. Très récemment, des études ont été faites pour voir si on pouvait recréer un certain nombre d'expérimentations qui avaient été publiées dans des journaux scientifiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non, il y avait très peu qui étaient capables d'être reproduites. Donc il y a ce problème-là aussi dans la communauté scientifique vis-à-vis de la rapidité de l'information et la rapidité de créer des choses. Quelquefois, ils ne prennent pas le temps finalement d'essayer de vérifier si l'information et l'article, le savoir qui a été créé, est un savoir valide. Et la seule manière de pouvoir le valider, c'est de pouvoir le recréer. Donc ça, c'est l'universalisme. C'est vraiment, il doit pouvoir s'appliquer partout. Ça ne doit pas dépendre ni de la langue, ni du pays, ni de toute limite qui peut exister dans la société. Troisième élément, parmi les limites qu'on pourrait mettre à la publicité des savoirs, c'est l'intéressement. À partir du moment où quelqu'un est intéressé par la diffusion de son savoir, en fait, ça le limite, parce que du coup, il devient comme une sorte de percepteur. Si tu veux avoir accès à mon savoir, il va falloir que tu payes. Et donc ça peut pas fonctionner. Du coup, ça empêche justement l'information de pouvoir voyager. Ça empêche le savoir de pouvoir s'échanger, de pouvoir se partager à travers le monde. Donc une valeur très importante, c'est le désintéressement. Et c'est vraiment la nécessité qu'il ne doit pas y avoir de frein au partage de la connaissance et au partage de savoir. Il faut que n'importe qui puisse y accéder sans payer ni droit d'accès. Ensuite, il y a le scepticisme organisé. Donc, le scepticisme organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité de lire un article et de dire, mais il y a un problème là, ça marche pas. Et de pouvoir le dire, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir l'argumenter. À partir du moment où on peut argumenter qu'un article ne fonctionne pas, mais on peut faire avancer la science, on peut faire avancer le savoir. Parce que c'est justement le fait de pouvoir mettre en doute un savoir qui permet d'améliorer les choses. À partir du moment où vous avez appris quelque chose, où vous avez transmis quelque chose, si vous ne pouvez pas mettre en doute cette possibilité, ce nouveau savoir, qu'un jour qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas à une situation ou un usage, à ce moment-là, clairement, la transmission du savoir et la création de ce savoir n'aura servi à rien, et surtout n'aura pas servi à la crédibilité du chercheur qui aura créé ce savoir. Donc c'est très important de pouvoir qu'un savoir puisse être établi sans filtre de l'autorité, sans filtre de procédure et sans filtre de ce qui pourrait être sacré. Parce que quelquefois la religion peut aussi empêcher le savoir de se diffuser. Et alors, je reviens au contexte dans lequel avait écrit à l'époque Robert King Merton l'article sur les structures normatives de la science, le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis, eux, à ce moment-là, n'orientaient leurs recherches que dans une fin, que dans une perspective bien précise, qui était la suprématie aryenne, en fait, la suprématie de la race allemande. Et en orientant les recherches de cette manière-là, ils empêchaient un certain nombre de chercheurs juifs, par exemple, de collaborer avec eux, de travailler avec eux à la diffusion de l'information et même à la critique de cette information-là. Donc à partir du moment où ce système-là était bloqué d'un côté par le système en place, et la connaissance ne pouvait pas se diffuser, et donc était vouée finalement un jour à s'éteindre et voire à être atrophié. On peut peut-être citer l'exemple de la bombe nucléaire, parce que pendant longtemps, ce qui a été utilisé pour justifier la création de la première bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, c'était de dire que les Allemands étaient en train de créer la bombe nucléaire de leur côté, sauf que eux, ils n'étaient pas aussi avancés que les Américains, puisqu'ils n'avaient pas mis ce contexte de diffusion et d'échange d'informations comme les Américains avaient réussi à le faire à Fort Alamo. Là, il n'y avait pas de différence de religion. Les Juifs étaient avec des communistes, mais ça, on l'a appris après que certains étaient communistes. Il y avait vraiment un foisonnement comme ça d'échanges scientifiques qui ont permis à la science d'émerger et de pouvoir. La fin n'est pas forcément souhaitable, mais là, en l'occurrence, c'était la bombe atomique. En Allemagne, par contre, non. Ça n'a pas pu être possible, puisque justement, il n'y avait pas la possibilité de ce foisonnement d'informations, justement à cause de la suprématie nazie. Et donc, en fait, la science fait du scepticisme une vertu. Et ça, c'est un des éléments les plus importants dans la science. C'est vraiment le fait de dire que si vous doutez, si vous doutez d'une information qu'on vous donne, ça veut dire que vous êtes capable de la comprendre, ça veut dire que vous êtes capable éventuellement de l'améliorer. Alors, juste pour terminer, je ne sais pas dans combien de temps j'en suis, quelle heure il est. J'ai essayé de mesurer pour les 20 minutes. Il est 20? Écart, parfait. Bon. Alors, est-ce que vous connaissez les 10 sites les plus vus au monde? Alors, Facebook ici, Google, YouTube, Twitter, le site du monde.fr, au monde? Non, dans le monde, non. Dans le monde, non. Le monde.fr, il est loin d'être le premier site vu au monde. Periscope, seulement celui de François. Wikipédia, ouais, il y a ça, il y a Wikipédia. Bon, vous oubliez quand même la population la plus nombreuse du monde, hein. Non, en Chine, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Baidu. Et donc, lui aussi, il est quatrième, en fait. Donc, l'ordre, hein, j'ai pris les 10 les plus connus. Google, YouTube, Facebook, Baidu, donc le truc chinois. Yahoo, Amazon, eh oui. Wikipédia. Tencent QQ, qui est en fait un moteur de recherche chinois. Google India, allez savoir pourquoi, vu qu'ils sont à peu près 800 millions, ou presque 1 milliard. Et puis Twitter. Donc ça, ce sont les 10 sites. D'après une boîte qui s'appelle Alexa et qui mesure la fréquentation des sites, c'est ma référence. Il y a d'autres références. Vous trouverez sur Wikipédia d'autres types de classements, mais c'est celle que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Et donc je la trouve assez crédible. Est-ce que vous trouvez des points communs là-dedans? Est-ce que par rapport aux quatre normes là, que je vous ai données, est-ce que vous pensez qu'il y a des points communs là-dedans? Alors, ce sont des moteurs de recherche, certes. Donc, finalement, on fait une recherche. On est presque mis dans le siège du chercheur quand on est là-dedans. Mais c'est l'usage aussi. Je reviens à l'usage dont on faisait tout à l'heure. Donc, par exemple, prenons Google. Donc, Google, c'est un outil qui est commun à tous. Qu'on soit en Inde, en Indonésie, en Amérique du Sud, à Paris, à Beaumont-sur-Oise ou ailleurs, on a accès à peu près la même interface. C'est quelque chose de commun, c'est quelque chose d'universel. L'accès n'est pas limité par un paiement, donc il est désintéressé. On n'a pas besoin de payer quelque chose avant d'y accéder. Et puis, le fait que les résultats apparaissent en liste, ça permet d'exercer un scepticisme. C'est-à-dire que là, du coup, on va comparer, est-ce que le premier est meilleur que le deuxième? Est-ce que le deuxième est meilleur que le troisième? Et donc là, on va pouvoir utiliser notre scepticisme. D'autres, on pourrait prendre n'importe quel autre exemple là-dedans, hein, ça peut être YouTube, Yahoo, enfin n'importe lesquels. En fait, ils se retrouvent à peu près tous à fonctionner de la même manière. Pourquoi? Parce que Internet est né donc dans les universités, comme je vous les ai dit, et dans les universités, il y a eu les informaticiens qui ont créé les outils premiers d'Internet, donc les Linux. Steve Jobs était un universitaire, Steve Wozniak, oui. C'est ça. Lui aussi était un universitaire. Donc, à chaque fois, ils ont mis dans les outils qu'ils ont développés, en fait, les principes de la science, de ces valeurs de la science. Et du coup, nous, aujourd'hui, quand on réutilise Internet, on est aussi en train d'utiliser ces principes scientifiques. Donc, je vous rappelle, donc, le commun, l'universalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Et je crois que j'en arrive à la fin de ma présentation. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai tenu dans les temps et j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci Mehdi pour ta présentation. Alors donc là on a le temps des questions et le temps des débats. La première question est toujours un peu. Faut qu'il y en ait un qui se lance en fait. Ok, nickel, merci. Donc c'était très intéressant, je te remercie. Sur le scepticisme, donc c'est douter de tout, c'est déjà un début. Ouais, lorsque tu parlais de Google, la même interface qu'on avait, bon, non, on parle pas, on n'a pas le temps, mais c'est aussi beaucoup les algorithmes qui font que ce qu'on va trouver sur Internet, c'est en fonction de nos amis, type sur Facebook ou de ce qu'on suit. Donc, bon, ça c'est un long débat, hein, j'imagine. Juste autre chose sur le désintéressement. Il y a du désintéressement, c'est sûr. Après, il ne faut pas se dire que c'est la gratuité totale. Et nous, aussi au niveau individuel, il faut dire qu'on peut avoir un revenu grâce à ça. Et eux, également, ils ont un revenu grâce à la pub ou d'autres choses. Lorsque tu as parlé des religions, que ça pouvait limiter les savoirs et le lien avec le nazisme, voilà, pour moi, c'est plus la connerie humaine qui fait plutôt que la religion hein, là-dessus. Et voilà. Bon, pour le troisième point, on lui donne le nom que tu veux. pour le premier point sur les algorithmes, je crois. Oui, alors les algorithmes, est-ce que tu sais combien d'ingrédients il y a dans l'algorithme de Google, par exemple? Il y en a près de 500. En fait, ils utilisent mais un milliard de choses. Il y a votre position géographique, il y a les recherches précédentes, il y a les cookies, il y a une quantité énorme de classements. Mais il y a aussi une des principales informations, c'est que ce soit pertinent pour vous. Parce que si l'information que vous recherchez n'est pas pertinente, ils perdent le moteur essentiel de leur moteur de recherche, qui est que de trouver l'information que tu cherches. Et donc, ils sont quand même contraints, ils sont quand même contraints à une forme d'efficacité, et pour ça, ils sont obligés de faire en sorte de répondre à ta demande. Et donc, voilà, ça, de Google, tu vas retrouver ça. Ensuite, sur l'aspect publicitaire, désintéressement, en fait, ça ne te bloque pas l'accès. Mais en même temps, quand tu as dit ça, j'ai pensé à Facebook. À Facebook, il y a une forme de mur de verre, on va dire, qui est qu'il faut avoir une adresse email. Si tu n'as pas d'adresse email, tu ne peux pas avoir accès à Facebook. À Google, tu pourrais avoir accès, tu n'as pas besoin. Voilà. Donc, il faut quand même avoir la connaissance, le savoir pour avoir une adresse email, alors que Google, il n'y en a absolument pas. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Google fonctionne aussi bien. C'était ça, c'est les trois points, c'est ça? Ouais, salut Mehdi. Un tout petit point par rapport à Google, c'est quand même, il n'y a pas besoin d'adresse email, mais pour l'historisation et pour la connaissance, pour être relativement pointu, il est nécessaire effectivement que Google engrange un certain nombre de données sur la personne et un des paramètres, c'est et l'adresse email et la machine sur laquelle tu travailles. C'est comme ça, effectivement, que Google est en capacité de dire que l'information est plus pertinente pour toi puisqu'il a bien historisé, un certain nombre d'informations. Il suffit d'ailleurs pour faire le test de s'amuser à refaire les mêmes requêtes sur un temps plus ou moins long, à la fois sur un navigateur Tor qui n'historise absolument rien et sur un navigateur autre, que ce soit Safari, Chrome ou autre, et on verra effectivement que Google ne présente pas les informations de la même façon. Je crois qu'après, il y a un autre élément aussi, c'est l'élément de la gratuité qu'il y a au niveau de tous ces moteurs de recherche. Il faut bien se rendre compte que dans un monde où les choses sont gratuites, ben le produit, c'est bien l'individu, c'est bien toi qui est la marchandise là-dessus, et Google gagne un certain nombre d'informations, gagne un certain nombre d'argent, non pas forcément en nous faisant en nous balançant de la publicité, mais en rebalançant à un certain nombre d'entreprises le résultat de nos requêtes en disant voilà concrètement ce que les gens recherchent. Ça peut même aller jusqu'à la création de nouveaux produits. Puisqu'à partir du moment où les gens identifient un besoin, le tapent sur Google, eh ben automatiquement Google dit voilà, il y a tant de personnes qui veulent un cerf-volant jaune à pois vert. Voilà, il y a des gens qui recherchent des cerfs-volants jaunes à pois verts. Eh ben à qui est-ce qu'on peut vendre cette information qui pourrait effectivement fabriquer ce produit qui est totalement absent du marché? Oui, alors dans Tor, le moteur de recherche en question, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est le plus connu, c'est DuckDuckGo. Donc Duck comme un canard, fois deux, et Go, voilà, comme Go, partir, comme Pokémon Go. oui, effectivement, donc il y a effectivement cet enregistrement des informations précédentes, mais malgré tout, quel que soit ce que tu... si tu utilises un navigateur dans un cybercafé et que tu rentres et que tu te logues, là, du coup, il n'y a plus d'historisation et tu vas avoir des résultats qui sont similaires. Pas forcément. Alors, ça veut dire qu'il y a des informations qui se sont rajoutées parce qu'elles sont devenues plus pertinentes entre-temps. Oui. Alors, pour pouvoir historiser, il faut que tu te sois logué, et si tu t'es pas logué, il peut pas historiser. Mais voilà, donc c'est dans ce sens-là où je disais, la différence de Google, par exemple, par rapport à Facebook, c'est que tu n'es pas obligé de te connecter avec un login. Tu peux le faire, il te le conseille, il te ressasse qu'il faut que tu te logues, mais en gros, tu peux utiliser le système, pas comme Facebook en l'occurrence. Donc... c'est particulier parce que sur Android, tu es obligé d'avoir un compte Google, hein, et sur iPhone, tu n'es pas obligé d'avoir un compte Google. En même temps, tu es sur un iPhone. donc tu es espionné aussi de tous les côtés. Hein. Vous savez que iPhone a été attrapé un moment parce qu'il enregistrait les positions géographiques sur lesquelles, de votre téléphone, sans évidemment que vous ayez eu la possibilité de dire que vous ne vouliez pas le faire. Hein. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Ouais, merci beaucoup. Bon, déjà, juste pour rebondir, je suis assez d'accord. De toute façon, maintenant, je retiens bien que rien n'est gratuit. Hein. Dès que c'est gratuit, c'est votre cerveau c'est des minutes d'attention de votre cerveau qui paye en fait, hein, qui vous comprend. Donc, c'est pas possible parce que ces gens-là gagnent de l'argent. Donc, forcément, c'est pas gratuit. Et puis, en plus, je voulais juste rajouter un petit détail quand même, c'est que il faut l'accès à Internet. Enfin, l'accès à Internet n'est pas gratuit non plus. Je veux dire pour tout le monde, quoi. Enfin. Il faut quand même pouvoir se le payer, mine de rien. C'est avoir un logement, etc. Donc, c'est pas du tout l'accès de tout le monde. Sinon, je t'avais dit dès le début que je comparais ça. C'est pas moi, du coup, qui le dis, c'est un monsieur. Alors, j'ai plus du tout son nom, mais qui est pas mal présent dans l'Internet, qui se bat pour l'Internet libre. J'avais vu une conférence, du coup, et c'est lui qui comparait, en fait, l'invention d'Internet à l'invention de l'imprimerie. Dans le sens où les effets futurs sont encore inconnus en fait. Et quand on regarde dans l'histoire, l'imprimerie, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, il y a beaucoup de choses, pas exactement, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer en tout cas sur les effets. Déjà au début, qu'on a pu très mal voir des gens qui écrivaient, ça pouvait être très très mal vu au début. Et donc effectivement, les livres ont servi à des mauvaises choses, mais ont servi à de très bonnes choses. Et encore aujourd'hui en fait. Donc pour moi, Internet c'est pareil, sauf qu'Internet c'est pareil. C'est pas pareil, ce serait grossier, mais ça a le même pouvoir en tout cas, et encore plus d'horizontalité si on le permet, en tout cas si on le laisse aller. Sauf que après, ça dépend toujours de l'usage, comme tu disais, de l'usage, donc des auteurs et des usagers, quoi. Alors à propos d'usage et effectivement du rapport avec Gutenberg, est-ce que vous savez qu'un des plus grands points de, enfin. Parce qu'on sait que le premier truc que Gutenberg a imprimé, c'était une Bible. Mais en fait, avant même d'imprimer une Bible, est-ce que vous savez ce qu'il a imprimé? Une photo de cul. quelqu'un qui parlait du meilleur et du pire, hein, je crois que c'était toi. Ben oui, c'est ça. Enfin, il y a le meilleur et le pire, c'est un outil, c'est un moyen, et donc effectivement. Après, on peut. Il y a Internet, il y a le web. Alors c'est deux choses différentes. Je vous ai parlé tout à l'heure de normes techniques. Il y a quelque chose qui a énormément fait avancer l'usage d'Internet dans le monde à partir des années 93-95, c'est l'apparition des navigateurs Internet. Et là, on avait des images, on avait du texte écrit, on n'avait pas besoin de se connecter à un écran noir avec un truc écrit en vert, etc. Ce qui était le cas quand même des années, on va dire, 70 jusqu'aux années 93, quoi. Pour ceux qui ont utilisé Minitel, je pense qu'il y en a quelques-uns ici quand même. C'était pas hyper joli, hein. C'était pas aussi joli que la fenêtre de Mosaic ou de Netscape qu'on a pu avoir dans les années 95 à 2000. Deuxième élément, la révolution tunisienne a été accélérée. Grâce à Internet. Alors, il y a un certain nombre de personnes, déjà d'activistes, qui s'appellent par exemple Hamid Ali 404. Donc voilà, 404, c'est l'erreur, la page non trouvée, mais voilà, ils ont utilisé ça dans leur pseudo pour dire à quel point c'est rentré dans la culture de l'identité aussi. Et eux, ils avaient pris l'habitude tous les soirs de se connecter à ce qu'on appelle des proxys pour pouvoir outrepassé les limitations d'Internet qui étaient faites dans le pays par le dictateur Ben Ali. Et à travers ça, ils ont pu accéder à un certain nombre de choses, dont Wikileaks. Wikileaks avait publié un certain nombre de messages d'ambassade où on voyait le rôle de Ben Ali et le rôle que jouait Ben Ali vis-à-vis des dictateurs et vis-à-vis de son avec son argent, et etc. Donc ça, c'est encore une fois la possibilité de partager l'information, d'avoir un sorte de bien commun qui est accessible à tous et qui, d'une certaine manière, exacerbe cette capacité à être sceptique par rapport au monde dans lequel on vit. Et donc, au fur et à mesure d'utiliser ces principes-là, de comparer, de se questionner, on commence à questionner le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi ça qu'apporte, en fait, à travers les valeurs de la science qui ont été transportées dans les valeurs d'Internet, c'est cette capacité à remettre en cause la société dans laquelle on vit. Et ça n'est possible qu'à partir du moment où on fonctionne de manière universelle et en ayant des biens communs. Je vous jure, hein, cette conférence, elle a bien sa place à Nuit Debout. Tu n'avais pas besoin de le préciser, ça a tout son sens. Ouais, justement, sur la question de l'universalité, pour moi, Internet, en fait, c'est un peu une sorte de cerveau universel dans lequel tous les esprits sont connectés, échangent de l'information à des milliards et des milliards de secondes. Enfin, et par rapport à l'universalité, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même un problème? C'est qu'aujourd'hui, Internet est en fait privatisé par ce qu'on pourrait appeler le marché, qui oriente l'activité d'Internet dans un sens particulier, en l'occurrence le leur. Alors, pour justement sortir de cet anti-universalisme et pour vraiment rendre Internet universel, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait, dans l'idéal en fait, faire de cette entité une sorte de première entreprise qui serait vraiment universelle, qui serait rattachée à l'ONU, je sais pas, et dans laquelle tous les pays pourraient être représentés pour éviter justement que un parti ou une entreprise accapare pour ses intérêts particuliers cet outil universel? Alors c'est très juste. En fait, ça a été c'est une peur qui existe depuis des années. Mais la vérité, c'est que tu te rends compte que tu regardes un peu l'histoire d'Internet tel que ça a émergé, et en fait, ça tend vers encore plus d'universalisation. En fait, l'être humain, arrive toujours à échapper à cette privatisation de cet espace public. Tiens, donc par exemple, on va prendre, est-ce que quelqu'un connaît ici CompuServe? Infony, ça vous dit quelque chose? CompuServe, Infony, il y a vraiment que moi qui suis un vieux. AOL, ça parle peut-être un peu plus. Est-ce que ici quelqu'un a eu AOL ou CompuServe? Voilà, toi, Monsieur Gérard. Donc en fait, quand Internet est apparu en France ou dans le monde, c'était des sociétés qui s'appelaient donc les noms que je vous ai cités. Et en fait, il fallait démarrer un logiciel et ensuite mettre un login et ensuite on avait accès à un Internet qui était rangé selon la société. Donc c'est la société qui disait un peu les choses que tu voyais et qui te disait, bon voilà, si tu veux des trucs intéressants, tu vas là, tu vas là, tu vas... Alors qu'aujourd'hui, avec Google, c'est toi qui choisis où tu veux aller. Il n'y a plus de société qui décide d'organiser l'information pour toi. Certes, il y a les algorithmes, la quantité d'informations disponibles n'est pas déterminée à l'avance. Et c'est un peu le problème que l'on voit à travers la privatisation, c'est que la quantité d'informations disponibles ne soit pas accessible. Sauf que comme Internet est tellement diffusé, il y aura toujours quelqu'un à un endroit qui va trouver un moyen de contourner cette limitation. Et donc si aujourd'hui, effectivement, par exemple, tu vas voir Free qui va te ralentir l'usage de YouTube parce que YouTube, c'est un flux vidéo et que ça prend beaucoup trop d'espace et de place sur leur tuyau, eh ben tu vas utiliser d'autres systèmes pour pouvoir continuer à regarder des vidéos. En fait, comme on a assimilé ce fonctionnement de scientifique, on est dans une recherche d'optimisation et on est toujours dans le partage de savoir. Et dès que quelqu'un sait, ah tiens, j'ai trouvé une solution pour accéder à YouTube, on va se partager l'information. On a On a dans notre mode de fonctionnement au quotidien ce système-là qui est de dire bon ben tiens moi j'ai cette solution-là, tiens tu pourrais peut-être essayer. Mais c'est presque une solution, quelque chose que l'on a depuis qu'on est adolescent, parce que quand on est adolescent on est dans cette recherche d'identité et donc tu es à l'écoute de tout quoi. Et donc à force d'être à l'écoute de tout, ben, tu commences à attraper les informations qui t'intéressent et tu rejettes les informations qui t'intéressent pas. Mais avec ça tu arrives à contourner les limitations et les bornes qu'on te donne. Alors quelquefois ce sont des bornes qui sont légitimes, prends pas la voiture alors que t'as pas le permis, ou d'autres fois c'est des bornes qui sont illégitimes, ne fume pas de joint. Il y a personne qui m'écoute. Donc voilà. Non mais c'est ce que je veux dire, c'est que on peut avoir peur de la privatisation d'Internet. Mais tel qu'il est construit aujourd'hui et tel qu'il est diffusé aujourd'hui, il y aura toujours des moyens de contourner les limites. Un petit exemple qui est très actuel. Alors, je ne sais pas si des gens ici téléchargent des films sur Internet. Il y a un outil qui est très connu qui s'appelle Kickass Torrent, qui est une sorte de moteur de recherche de films. Il y a plein de films dessus, des séries, etc. Et il a été complètement fermé il y a quelques jours. Le fondateur a été attrapé parce que il touchait de l'argent via la publicité. Donc vous voyez que le problème de la publicité, c'est aussi un souci. Et il a été attrapé, ses serveurs ont été éteints, le nom de domaine a été éteint, tout a été mis KO. Donc en théorie, voilà, Kickass Torrent n'existe plus quoi. Sauf que en fait, ça a mis 2 jours pour que des petits malins ici, là, recréent un autre Kickass Torrent, quasiment avec la même interface. Voilà, et à nouveau c'est reparti. On peut citer celui-là, on peut citer de Pirate Bay. Pirate Bay, pareil, les mecs ils sont harcelés depuis des années parce que ben ils mettent à disposition des films à télécharger en torrent. Donc eux ils ont trouvé l'idée, ils ont dit ben écoutez, nous on vous met à votre disposition le moteur de comment fonctionne de Pirate Bay et vous l'installez où vous voulez. Et du coup il y a une liste énorme comme ça de ce qu'on a fait proxy list, de Pirate Bay proxy list, et tu vas trouver sur Google la liste de tous les sites qui font comme Pirate Bay et qui référencent tous les fichiers torrent. Donc c'est vraiment pour illustrer, pour te dire que il pourrait toujours y avoir des essais de privatisation, mais Internet est fait de telle manière que ça sera contourné et que ça sera le besoin des utilisateurs qui va driver le truc. Et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que malgré tout ce qui nourrit un peu Internet, on va dire au moins 40% du trafic d'Internet, et je suis vraiment dans la barre basse à mon avis, c'est quand même le cul quoi. C'est quand même le porno. Et les vidéos pour choix. Ouais. Pareil, enfin, toujours je vais faire un peu l'esprit critique par rapport au panégyrique d'Internet que tu fais. Je crois qu'il y a quand même, des effets relativement pervers dans Internet. Par exemple, quand on dit Internet est une, ça nous permet d'accéder à une base de données de connaissances absolument inimaginable. C'est une réalité. Le problème, c'est que derrière, on n'a pas forcément les moyens de traiter ces informations et de définir à l'intérieur de ces informations celles qui sont réelles et celles qui sont fausses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance, effectivement, au travers de la mise en place de moteurs de recherche comme Google et tout ça, à amener les gens à aller chercher la solution sans se poser la question de comment arrive-t-on à cette solution. Ce qui fait qu'on rend les gens totalement dépendants de spécialistes qui, eux, ont été capables d'établir la solution. C'est un peu comme si on disait comment fait-on pour multiplier 4 par 12, hein, et on avait un moteur de recherche qui nous disait instantanément 4 par 12, on le fait comme ça, ou une division, on a le résultat, mais on ne sait pas effectivement comment on arrive au résultat. Et à partir de ce moment-là, on devient de plus en plus dépendant de techniciens, de technocrates, de systèmes experts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi totalement dépendant. On parle beaucoup des moteurs de recherche, mais je crois qu'on est totalement dépendant de ceux qui possède les autoroutes par lesquelles circulent les informations. Et on a vu au travers de ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'en Turquie il y a quelques jours, qu'il est très facile aujourd'hui à un État, beaucoup plus facile d'ailleurs que du temps de la révolution tunisienne, de dire carrément on interdit le passage d'informations. On interdit le passage d'informations et qu'il est de plus en plus difficile pour les hackers de mettre en place des systèmes permettant une diffusion d'informations parallèles. Et je crois que là-dessus, il y a quelque chose auquel il faut qu'on fasse très attention, c'est-à-dire, sous prétexte qu'il y a Internet, ne pas dire que le rôle d'éducation de pair à pair, le rôle de transmission d'informations, le rôle de transmission d'histoire qui se fait d'être humain à être humain ne doit pas être abandonné sous prétexte qu'il y a Internet qui pourrait effectivement permettre de tout savoir à tout moment sur toute chose. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais je voulais juste repréciser, j'ai pas fait le panagérique d'Internet, j'ai parlé des valeurs d'Internet. Comme j'ai commencé le débat, j'ai parlé de normes techniques et d'un usage. Et donc, c'est important de... On ne peut pas avoir un jugement sur une norme technique. C'est souvent l'usage qui en fait, c'est quelque chose de bien ou pas. Ensuite, par exemple, ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques années, il y avait marqué sur des murs en tag... trois chiffres, 8.8.8.8, enfin, quatre chiffres, voilà. Et donc, et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le DNS, c'est-à-dire le Domain Name Server, c'est-à-dire, en gros, c'est une sorte d'annuaire mondial des sites Internet. Donc, en général, ce sont vos providers, vos fournisseurs d'accès à Internet qui vous le fournissent. Donc, c'est Free, c'est SFR... Orange, etc., qui au moment où vous vous connectez fournissent leur propre DNS. Mais on peut configurer l'ordinateur pour qu'il passe par un autre DNS. Et le fait de pouvoir passer par un autre DNS, ça empêche le fournisseur d'accès de vous bloquer. Et donc en Turquie, comme les fournisseurs d'accès avaient ordre de l'État d'interdire l'accès à certains sites, eh bien en fait, c'est ça qui se passait. C'est-à-dire que les gens écrivaient sur les murs le bon DNS à utiliser, et donc n'importe qui pouvait utiliser ce DNS-là pour contourner les limites. Après, il y a eu plein d'outils. Il y a Tor, évidemment, qui est utilisé en Turquie. Il y a plein d'outils qui existent, qui font que... Encore une fois, c'est vraiment l'échange de savoir, le partage de savoir qui permet en fait de contourner ces limites-là. C'est en ce sens-là où je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de très très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui nous oblige à être un peu en commun, de partager l'information, qui nous force, si on veut vouloir avoir accès à l'information et si on veut vouloir arriver à s'exprimer, on est obligé de partager ensemble et de chercher des bonnes solutions. Qui possède les tuyaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, ceux qui possèdent des tuyaux peuvent freiner ou ralentir les informations selon que ça vous intéresse ou ça les intéresse ou pas. Maintenant, il y a tellement de concurrents, c'est très compliqué. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est Robert King Merton, quand il parlait justement de ces structures normatives de la science, il parlait dans un état libéral, dans une démocratie libérale. Il part du principe que la science ne peut exister, ne peut se développer que dans une démocratie libérale telle que celle que vivaient les États-Unis à cette époque, telle que peut-être celle où on est encore aujourd'hui, mais elle ne peut pas, ça ne peut pas se développer dans des pays comme la Turquie, tel qu'il est en train de se développer ces derniers jours, quoi. C'est très clairement avec les sites internet, les journaux qui sont fermés, etc., l'information ne va pas pouvoir voyager et à un moment ou à un autre, le système va s'effondrer sur lui-même. Quoi. Peut-être à cause de gens qui auront réussi à contourner l'information. Parce que la Turquie est un des plus grands fournisseurs en parabole satellite. Et justement, ils fournissent quand même pas mal la Syrie et Daesh pour le coup. En parabole satellite, et donc ils ont un accès à Internet qui n'est pas obligé de passer par leur fournisseur traditionnel, mais par une parabole. Donc ça, c'est une autre manière de contourner les blocages. Et après, vous allez me dire, mais les satellites qui les possèdent, etc. Mais ça, c'est encore un... Voilà, c'est une course permanente. C'est pas quelque chose qui est donné et qui ne bouge plus. C'est quelque chose qui est en permanence en travail, entre les États, les utilisateurs, les techniciens. Il y a quelque chose de permanent là-dedans. Ok, alors n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, à lever la main. Il y a monsieur et il y a mademoiselle. Merci, bonjour. Déjà, merci pour votre intervention. Du coup, moi, j'avais une question qui regroupe... en fait, c'est les questions d'universalisme et de privatisation là, qui me posent question. Parce que je vais essayer d'être claire, parce que c'est pas très clair dans ma tête déjà. En fait, à partir du moment où on veut que la chose soit universelle, il faut que tout le monde puisse accéder à tout. C'est la base. Sauf que si c'est privatisé, ça veut dire que un certain nombre de personnes qui ne passent que par les choses privatisées n'ont pas accès à ce qui n'est pas privatisé. Et du coup, la question que je me pose, c'est à partir du moment où la majorité des gens ne passent par exemple que par Google ou autre, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à tout ce qui est alternatif. Et pour être conscient qu'il y a des choses alternatives, encore faut-il qu'on nous les ait dit à un moment donné ou qu'on ait rencontré des gens qui nous aient transmis l'information. Et du coup, ça tourne un peu sur soi-même, parce que finalement, on va sur Google pour chercher des infos, Google nous en supprime certainement plein, et comme un tas d'autres moteurs. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde puisse avoir réellement accès à tout, sans que ça passe par, des moteurs privatisés? Alors c'est une excellente question. Ce que j'ai oublié de répondre à Gérard qui était là tout à l'heure, c'est déjà d'une, il ne faut pas partir du principe que les gens se contentent de rester sur une frustration quand ils sont sur une recherche. S'ils ont cherché quelque chose et qu'ils ne trouvent pas leurs résultats, les résultats qui les intéressent, ils vont chercher un moyen de trouver le résultat, parce que finalement, plus il y a de la frustration, plus il y aura de la satisfaction à trouver le résultat une fois atteint. Prenons un exemple que moi j'ai vécu. J'ai cherché à un moment comment faire des crêpes 1000 trous. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça s'appelle en marocain mbrir, voilà, mbrir. Et en fait, c'est des crêpes qui sont assez épaisses. Ça ressemble un peu à des crêpes américaines, mais un peu plus crémeux peut-être. Et c'est des crêpes que me faisait ma grand-mère, que j'adorais. Et puis voilà, je voulais apprendre à des amis français à la faire, parce que je leur avais apporté du thé à la menthe, etc. Et donc je voulais prendre une crêpe mille trous avec du miel et du beurre, comme je me gavais quand j'étais gamin. Et donc je cherche. Et évidemment, sur le seul site sur lequel j'arrive, c'était Marmiton. Et donc sur Marmiton, il doit y avoir une quinzaine de recettes de crêpes mille trous. Et en fait, on arrive encore dans le même procédé, quoi. C'est-à-dire dans un scepticisme organisé. On choisit le résultat qui nous satisfait le plus. Et donc celui qui est le plus clair, celui qui est le plus didactique, celui qui est le plus facile à réaliser, va être celui qui va être tout le temps, qui va émerger. Mais si, par exemple, il me manque le détail du petit coup de main, donc là, du coup, je vais chercher une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui sont plutôt visuels et des gens qui sont... Donc il y a la variété aussi de l'être humain qui fait que l'information qu'on va chercher, on va la chercher d'une certaine manière. Donc c'est important de se rappeler que l'être humain en lui-même a ce besoin-là de se sortir de situations de blocage. S'il n'arrive pas à trouver une information, il va continuer à chercher jusqu'à qu'il le trouve. Parce que pour l'instant, le moteur de recherche n'a jamais refusé de te donner une réponse. Il te donne tout le temps une réponse. Alors après, que ce soit satisfaisant ou pas, ça c'est une chose, je suis d'accord avec toi. Mais il te donne toujours une réponse. Donc jusqu'à que tu obtiennes satisfaction, tu vas continuer à poser cette question, ou sinon tu te lasses et au bout de 10 heures, tu vas abandonner. J'espère que tu passes pas 10 heures à chercher le même truc. Non, après, le troisième truc, c'est que j'allais le faire, j'ai pas eu le temps de le faire, t'as fini ta question avant, mais je suis certain que si tu tapes sur Google, comment ne pas utiliser Google, tu vas trouver plein de résultats. Donc, c'est un outil qui ne manipule pas l'information qu'il donne. Oui, mais elles sont signalées, si elles sont sponsorisées. Alors, normalement, t'as un petit cadre jaune, Oui, c'est vrai, il faut être au courant. Mais disons que ça, c'est un savoir qui se partage assez vite et que la plupart des gens finissent par connaître. Donc, déjà ça, voilà. L'être humain, faut faire confiance en fait à l'être humain. C'est que face à une frustration, dans le fait qu'il n'obtienne pas une information, il va tenter de le contourner. Et ça peut commencer en Iran pour un activiste, et ça peut continuer chez nous, chez un mec qui voudrait apprendre à cuisiner. Voilà. Moi, je suis arrivé un peu en retard, j'espère que tu n'en as pas encore parlé. Est-ce que tu fais une différence entre l'information, le savoir et la connaissance? Parce que moi je pense que Google permet de s'auto-manipuler. C'est-à-dire que quand on cherche quelque chose, ça a du sens pour nous. Mais Google fournit des informations, mais pas du sens. Donc on l'invente au fur et à mesure qu'on trouve les infos, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait au départ. Alors oui, tu as raison. Là, c'est une vraie question piège. Je vais te dire simplement que je ne sais pas. La différence entre connaissance et savoir, je ne veux même pas essayer de m'aventurer dans la réponse. Je pourrais essayer de... Et je suis sûr que si tu peux me répondre à cette question, moi, je veux bien. Parce que sinon, moi, je vais... Enfin, non, moi, je ne saurais pas te dire exactement un truc en béton armé sur la... En tout cas, je suis d'accord avec toi que au fur et à mesure où on cherche une information, il faut que ça ait du sens par rapport à l'usage qu'on en cherche. Donc on cherche une information, c'est pour en faire quelque chose. Et si l'information qu'on trouve ne fait pas sens, à ce moment-là apparaît la frustration dont je parlais tout à l'heure. Donc là-dessus, sur ce principe-là, je suis d'accord. Après, un savoir et une connaissance, je veux pas m'aventurer dans la définition. J'aurais trop peur de raconter des grosses bêtises. Entre nous, non, si, je sens qu'il y a du monde là. Enfin, moi, c'est mon idée, c'est que le vrai, comment dire, la connaissance, c'est quelque chose qu'on sait vraiment par soi-même, qu'on a expérimenté, qu'on vit dans la vie normale de tous les jours. Le savoir, enfin l'information, c'est tout l'opposé, c'est un bout de morceau de savoir, et le savoir, c'est une toute petite partie de la connaissance. C'est-à-dire c'est des morceaux qu'on peut trouver à droite à gauche, mais après psychologiquement on est obligé de les mettre ensemble de sa manière. On peut pas simplement lire une information et puis dire ah, ça c'est la vérité. Non. On l'élabore toujours d'une certaine manière, et c'est dans ce sens-là, ça nous rend des ignorants technologiques, et toujours plus ignorants. Plus on a d'informations, plus on a de savoir, et plus on est ignorant. Ça c'est le rapport avec le savoir, et c'est les philosophes grecs qui en ont parlé les premiers. Hein. Je sais que je ne sais pas. Donc, je crois que c'était Socrate qui disait ça. Hein. Voilà, je sais. Connais-toi toi-même, tu disais. Oh, ben ça c'est par contre Jésus, non? C'est pas. Non mais oui, je suis. Oui, voilà, oui, effectivement. Mais après c'est ce sens critique et l'échange avec les gens qui sont autour de soi qui permet éventuellement de reconstruire un certain sens. Mais là-dessus, on en revient aussi sur ce problème-là du complotisme, du coup, parce que peut-être que plus que jamais, Internet a favorisé l'apparition. De complots, etc. Et ça, enfin, c'est pas les complots en eux-mêmes qui ont apparu, c'est surtout l'usage de la connaissance pour construire un certain nombre de complots, et les gens croient que c'est aussi simple que ça. Non, évidemment, il y a des trous, il y a des choses qu'on ne sait pas, et c'est, ça peut rester comme ça. C'est des choses qu'on ne sait pas. C'est pas un problème de pas savoir, en fait. Enfin, je pense que des fois, c'est pas un problème de ne pas savoir. Alors, je ne t'entends absolument pas. C'est un problème quand on croit qu'on sait, mais qu'on ne sait pas. C'est ça le danger, justement. C'est qu'on a des tas d'informations, on les met ensemble à notre manière, parce que c'est difficile de supporter la frustration. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'inconscient, il en fait quelque chose. Et c'est là qu'il fait n'importe quoi, et il croit qu'il sait, mais en fait, il ne sait pas. Il sait moins qu'avant. Est-ce que ça vous dérange pas de commencer, monsieur, qui n'a pas encore parlé? Ça te dérange pas? On va prendre ceux qui n'ont pas encore parlé, c'est cool, merci. Ça va être très simple. Je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été utilisé pour l'instant, c'est le buzz. Alors oui, c'est un mot que j'ai pas utilisé parce que, enfin, c'est un phénomène humain, c'est pas un phénomène technique. c'est un phénomène de, d'appartenance à un groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je maîtrise la même information que mon camarade, je porte les mêmes vêtements, ou je dis la même blague, ou je connais la même information, je fais partie d'un groupe de sachants. Donc c'est un ticket d'entrée dans un groupe un peu élitiste. Donc c'est humain, c'est pas vraiment la technique effectivement le favorise, mais c'est d'abord humain. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas d'abord parlé. Moi je m'interrogeais, donc c'est une question à savoir, est-ce qu'on est sur internet, est-ce qu'on n'est pas plus visible quand on a beaucoup d'argent en fait? Est-ce que ce qui est visible, c'est pas les gens qui investissent un peu plus que les autres? Du coup, il y a des informations qui pourraient être très intéressantes et qui peuvent effectivement être des informations un peu plus vraies. Mais qu'on va pas forcément voir du premier coup, parce que faudra aller chercher, comme tu dis, pendant 10 heures avant d'aller chercher une information qui peut avoir du sens un peu plus profondément, quoi. Alors oui et non. Oui. Alors d'abord non. Non, parce que en fait, il existe sur Internet évidemment la possibilité de optimiser par soi-même l'apparition des résultats. En termes techniques, un peu techniques, c'est SEO et SEM. SEM, c'est Search Engine Marketing, et donc c'est le fait d'acheter des emplacements de publicité pour un lien. Et SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est la manière d'optimiser son propre site pour faire en sorte que le résultat apparaisse tout en haut. En 2005... je m'occupais de la reconnaissance du vote blanc et j'avais eu un résultat assez négatif aux élections de 2002. Et en gros, j'avais été interdit d'élection parce que j'avais pas rendu mes comptes de campagne. Bon, en fait, j'avais pas rendu parce que c'était 0 euros et que j'étais un peu couillon et je me suis dit, bah, c'est même pas la peine d'aller ramener le truc puisque de toute manière, il y a 0 euros. Et du coup, quand on tapait mon nom sur Internet, le résultat du conseil, ce truc-là sur le conseil constitutionnel apparaissait en tête. Donc ça, évidemment, c'est pas très grave, mais le temps d'expliquer ça, c'était presque un peu, ça pouvait me créer ombrage, quoi. Donc j'ai ouvert un blog et j'ai écrit beaucoup d'articles. C'était mon nom qui était à chaque fois écrit dans le blog. Et du coup, ce titre-là, ce titre du conseil constitutionnel, qui est quand même un des organes les plus référents en France, quoi. Enfin, je veux dire, il y a le CNRS, il y a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mais enfin, c'est vraiment un truc super haut en termes d'autorité, quoi. Et ben, j'ai réussi à faire passer, à force d'écrire, ce titre-là en cinquième page. Donc, quasiment invisible. Ça veut dire que gratuitement, on peut faire les choses. Donc oui, il peut y avoir un blocage qui dépend de l'argent, parce que si j'ai pu le faire, c'est parce qu'en ce moment-là, j'avais un métier, j'avais un emploi, j'avais un salaire, et je payais mon internet, et que du coup, je pouvais faire ça. Donc effectivement, voilà. Mais c'est pas la même chose que de devoir passer par un intermédiaire financier qui lui a les clés de ce placement, comme pouvait l'être CompuServe ou AOL. Dans les années 90. Dans les années 90, si tu voulais faire apparaître ou disparaître un résultat, il fallait que tu payes une société. C'était lui qui avait les clés. Là, j'ai mes propres clés. En ce sens-là, c'est une forme de liberté. Mais effectivement, on est toujours limité par son pouvoir d'achat. Moi, je suis d'accord. Oui ? Je vais essayer de faire vite pour faire tourner un peu la parole. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à tout ce qu'on a dit. Je compare ça, en fait, un peu à tout. Je veux dire, C'est Gérard tout à l'heure qui disait on va avoir telle information en avant, telle information. Mais c'est comme pour la musique que vous écoutez, si vous allez que à la FNAC, vous verrez que les mêmes disques et il y a plein de groupes que vous raterez. Si vous allez que à la FNAC aussi, vous irez toujours les mêmes livres et il y a plein de livres que vous raterez. Si vous regardez toujours la même chaîne, vous raterez plein d'émissions intéressantes. Si vous allez toujours sur le même site, bah, vous raterez plein d'informations intéressantes. Et du coup, en fait, c'est pour ça aussi je compare un peu ça toujours à un média. Bon, c'est plus le web, du coup, je suis d'accord, c'est pas sur le point technique. Mais je vais revenir justement vite fait sur le point technique aussi. Donc le web en lui-même, pour lui, pour moi, ça reste un média et du coup qui est ouvert à tout. Et le meilleur, après ça c'est très personnel, mais le meilleur, j'ai envie de dire souvent, on doit aller le chercher un peu plus loin que ce qu'on nous présente, ouais, forcément. Et du coup, pour le point technique, donc soit que du coup l'aspect technique permette d'avoir toujours un côté libre, mais du coup je vois ça vraiment comme un champ de bataille en fait. C'est un champ de bataille qui permet à ceux qui peuvent donc du coup de pas laisser trop s'exprimer certaines opinions et à ceux qui peuvent de les exprimer. Mais je perçois vraiment ça comme un champ de bataille et du coup donc peut-être qu'on aura toujours la possibilité d'exprimer les opinions, mais il y en aura toujours qu'il y aura la possibilité de combattre. Aussi ces opinions là quoi, enfin ce qui est normal aussi, mais je veux dire voilà, il y a certaines opinions qui peuvent déranger c'est pour revenir sur la frustration, je suis juste pas d'accord sur le fait qu'on peut trouver une information, mais malheureusement aujourd'hui sur internet l'information peut être fausse quoi, et pour combler cette frustration on peut se croire informé alors qu'on est tombé sur une information totalement fausse donc voilà, il y a quand même c'est un terrain, voilà, pour moi je vois ça un peu comme un champ de bataille quoi. Alors oui, alors trois choses. Alors YouTube déjà. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on va sur YouTube, les propositions qui sont à droite sont toujours un peu les mêmes. Ça tourne un peu en boucle. Donc ça, c'est une enquête que je voudrais faire, parce que je suis journaliste de données, et je voudrais faire cette enquête-là pour voir à quel point on est. Il y a une sorte d'entonnoir en fait à information qui fait qu'on retombe toujours sur les mêmes informations. J'ai jamais fait confiance à Facebook en termes d'informations, donc du coup l'algorithme de présentation des informations de Facebook ça me parle pas. J'y trouve pas un risque puisque de toute manière je fais pas confiance à Facebook sur l'information. Ensuite sur Google, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement facile de refaire une deuxième, troisième, quatrième recherche derrière que voilà. Donc j'échappe un peu à peut-être à ce biais-là. Après, avoir une information qui te satisfait du premier coup et du coup tu ne te sens plus obligé finalement de t'es libéré de ta forme de frustration. Je suis tendance plutôt à faire confiance à l'être humain. Après, quelquefois l'être humain peut ne pas être, comment dire, assez en confiance. J'ai ma nièce qui, il y a quelques années, se posait la question de Dieu. Elle se disait, elle avait 14 ans, et elle se disait, mais est-ce que Dieu existe? Et du coup, elle a tapé la recherche sur Google. Est-ce que Dieu existe? Et donc, elle est tombée sur un certain nombre de sites qui maîtrisaient la question, visiblement, et qui lui expliquaient comment Dieu existait, et qu'elle le rencontrerait si elle rentrait dans leur secte. Parce que c'était des sectes. Et donc, elle a eu une sorte de... Mais bon, parce qu'elle est un milieu un peu bourgeois, etc. Elle est peut-être un peu stimulée au quotidien par l'information et tout ça. Et donc, il y a un truc de classe. Il y a plus un truc de classe qu'un truc financier. Parce qu'il peut y avoir des gens très riches, mais très cons. Vous allez voir Bush, voilà. Et du coup, elle vient me voir, elle me dit, mais je vais poser cette question-là, et puis j'ai ce résultat-là, et c'est bizarre. Je lui dis, ben, on va lire ensemble. On va lire ensemble et tu vas te poser 5 minutes et tu vas lire l'information. Donc on a lu le truc et elle a exercé en fait son scepticisme au fur et à mesure de la lecture du texte. Et au fur et à mesure de la lecture du texte, elle m'a dit, mais c'est bizarre comment ils disent ça. Ils semblent affirmer ça, mais comment ils le savent? Tiens, c'est bizarre. Et pourquoi, comment ça se fait qu'ils ne parlent pas des autres religions? Dans ce truc-là, ils ne parlent que d'une seule religion, de la leur. Enfin voilà. Et donc, à force de relire, etc., il y a... Donc, oui, il y a un aspect social dans le fait de se conformer, enfin de trouver une information à laquelle on... Mais là, j'ai tendance à penser que si on discute ensemble, si on se questionne ensemble, si j'affirme un truc, je t'affirme un truc et toi tu es pas d'accord avec toi, avec moi, et qu'on discute, on va commencer à chercher sur Google. Est-ce que aujourd'hui, vous avez pas remarqué ces dernières années le nombre de fois où en l'espace de 4-5 ans, il y a 4 ans ça n'existait pas et aujourd'hui ça existe de plus en plus, on se pose une question, attends je sors mon téléphone, je sors mon iPad et attends je regarde. Vous vous rendez compte qu'il y a cette cinquième personne à table, tu vois, c'est, moi j'ai des amis qui appellent ça mon cerveau, quoi. Tiens, il va sortir son cerveau. Non, mais vous voyez, à chaque fois à quel point on a pris l'habitude d'exercer notre scepticisme vis-à-vis des choses, et on se retourne vers Google. Et si, quand on lit la réponse à tout le monde et que la réponse n'est pas satisfaisante, on va chercher autre chose. Donc il y a, c'est ce que je disais, c'est au-delà même simplement de l'outil qui existe. Nous, on a assimilé ce comportement-là, de mettre en doute l'information et de ne pas se contenter de quelque chose. Je dois dire que j'ai été assez convaincu par la pertinence de l'argument tout à l'heure quand j'ai posé l'idée de nationaliser Internet à l'échelle internationale, et tu as répondu qu'en fait on serait dans une situation en fait de monopole qui serait moins intéressante que celle qu'on a aujourd'hui, avec finalement une situation, je dirais, concurrentielle qui au final est plus bénéfique sur le plan universel. Donc je trouve que c'est un argument qui est très pertinent. Par contre, voilà, qui est très libéral, mais moi je suis tout à fait d'accord avec cet argument-là, parce que c'est vrai que si tout appartenait à la même structure, ben il y aurait encore moins de liberté, je pense. Mais par contre, est-ce que tu penses pas que par rapport à ce qu'on appelle les GAFA, parce que tu as cité au départ la liste des sites les plus fréquentés, qui appartiennent tous au même pays, et qui sont aujourd'hui, à mon avis, en position quasiment de monopole, est-ce que quelque part, est-ce que tu n'as pas un point de vue là-dessus? Est-ce que justement ça freine pas justement l'amélioration du réseau dès lors qu'il n'y a pas de concurrence en fait? On est dans une situation d'oligopole, voire de monopole. On est. En fait, j'ai envie de dire oui. Oui, on est dans cette situation-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de proposition alternative. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est la proposition la plus intéressante, intellectuellement, que l'on a sous la main. Au moment où ça a été fait, il y a quand même, c'est quand même 1942. C'est au moment où les États-Unis quand même commencent à devenir une sorte de suprématie économique et intellectuelle à travers le monde. Et donc c'est une manière aussi, à travers ce principe-là. Et il y a aussi ce truc-là, c'est d'être un individu face à la connaissance. Quand on a accès à Google, à Facebook, etc., c'est la valorisation de l'individu. C'est Facebook, c'est une personne finalement. Enfin, c'est moi qui suis représenté par Facebook. Quand je fais une recherche, c'est moi tout seul qui fais une recherche sur Facebook. C'est la même chose. Amazon, c'est pareil. Il y a le principe même du dispositif fait que ça valorise l'individu plutôt que le collectif. Mais bon, c'est pas une question qu'on se pose. On commence un peu à se poser ces questions-là ces dernières années, mais pas vraiment ces termes-là, je trouve. Et peut-être que va commencer à. Bon, en même temps, il y a le crowdfunding qui commence à apparaître, mais toutes les solutions de recherche participative n'ont pas vraiment bien fonctionné. C'est des choses qui sont encore un peu à leur balbutiement en France. Kickstarter fonctionne vachement bien aux États-Unis. Uber, vous voyez comment ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien aux États-Unis et en France aussi. Mais bon, ça, c'est parce que c'est un service et que c'est hyper normé, mais bon. Donc oui, mais on est dans une mutation. Alors, donc oui, on est un peu contraint, mais en même temps, on est en train aussi de changer le système. Donc on est en train de changer le système parce que quand on aime un projet, on peut le financer à plusieurs. Bon, il y a le pot commun, il y a l'itchi, etc. Donc si vous voulez payer quelque chose à un ami, vous pouvez le faire à plusieurs. Donc ça fausse un peu le rapport individuel aux choses. C'est le rapport individuel aux objets, aux actions, etc. C'est quelque chose de plutôt américain. C'est Thoreau, c'est ce philosophe là du 19e siècle qui fonde un peu le rapport à l'individu et le rapport à la nature aux États-Unis et dans les années 70. Lui, il était quand même pas mal sur ce rapport-là. Et effectivement, au fur et à mesure, ça va. Dans l'usage que l'on en a et que l'on en fait, les choses vont. Enfin, je pense que notre usage va évoluer. Du coup, peut-être notre rapport politique à Internet. Mais oui, c'est peut-être aussi pour ça que je voulais en parler ici, c'est que il faut qu'on ait un rapport politique à l'usage d'Internet. Et donc, du coup, il faut savoir le choisir, ce rapport politique, savoir déterminer ensemble quel est le rapport politique qu'on veut avoir. Et ça, c'est pas. Ça, je ne crois pas qu'on en ait là de la conversation. On est encore un peu en train de comprendre ce qui nous est tombé sur la tête avec cette révolution numérique. C'est mon point de vue. Mais ce que je trouve déjà intéressant, c'est ces quatre valeurs-là que je vous ai données, qui, je pense, sont des choses qui transparaissent en interne à Nuit Debout, quoi. Enfin, il y a un désir, il y a ça qui est un peu en filigrane de pas mal de petits trucs. Juste, Mehdi, tu nous accordes une grosse dizaine de minutes, l'intervenant est un peu en retard. Est-ce que si on continue les questions, il n'y a pas de souci pour toi? Ok, merci beaucoup. Oui, bonjour. Je reviens en arrière. Quand je tape mon nom sur Internet, je trouve mon Facebook, mon Twitter, mon blog de rap, j'ai tout. Et je trouve d'autres trucs qui sont faux sur moi. Comment enlever ça? Alors, les États-Unis n'ont pas du tout aimé ce qu'on fait cet Espagnol qui est d'attaquer Google en justice parce qu'il y avait des résultats qui le discriminaient, qui étaient sur Google. Et donc, il a gagné en justice contre Google. Et du coup, Google a dû mettre en place une interface pour pouvoir retirer des résultats. Donc, il existe sur Google un truc pour pouvoir retirer des résultats qui te mettent en cause personnellement. Et c'est quelque chose qui leur plaise pas du tout, parce que ça vient contre le commun, le communalisme, enfin, ça vient contre le fait de pouvoir partager toutes les informations. Et ça empêche finalement une forme de scepticisme organisé. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui va te chercher pour voir l'information négative sur toi, mais il va aussi voir les informations qui sont positives sur toi. Et donc il y a, pour eux, ils disent, il faut que toutes les informations soient là, disponibles, pour que les gens puissent se faire une idée. Parce que ce sont les gens qui décident des choses, c'est pas aux techniciens de décider du contenu des gens. Donc il y a cette bataille-là qui existe, qui est vraiment, ça met en rage les Américains, parce qu'ils ne comprennent pas ce concept européen, de vouloir cacher de l'information. Mais malgré tout, c'est une des rares victoires que la justice a réussi à avoir. Sur Google. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de classe. Et je me disais, est-ce qu'on ne peut pas voir Internet justement comme un moyen de faire tomber les murs entre les classes? Parce que moi, je vois Internet comme une façon. Une façon d'accéder justement à l'information pour des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de l'apprendre dans leur vie de tous les jours. Je pense par exemple à l'art. Il y a ce site qui me vient en tête qui s'appelle Art Tips, une dose d'art au quotidien. C'est un site qui envoie tous les jours le descriptif d'une œuvre d'art en l'expliquant et en décrivant en fait cette œuvre et en donnant une anecdote sur cette œuvre. Et je trouve que c'est typiquement le genre d'information qu'Internet apporte directement chez soi et qui permet justement de faire tomber les murs de la culture, d'accès à la culture, à l'art, à la littérature, au cinéma, vous en avez parlé, à tout. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec vous. C'est l'usage qui décide de ce qu'on obtient. Donc si l'usage c'est d'essayer d'accéder à des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais après il y a quand même le souci de il faut avoir savoir que ça existe. Et par exemple, à un moment j'ai voulu faire une enquête sur un argument fallacieux qui dit que on avait été entre 1939 et 1945, les terroristes auraient été des résistants. Et donc, du coup, j'ai essayé de retrouver des documents de la presse qui décrivaient comme terroristes les résistants de l'époque. Donc ça, je savais que je pouvais trouver ça à la BNF. Alors, mais est-ce que combien de gens le savent? Donc il y a voilà, il y a cette limitation là qui existe. Ça c'est le milieu, c'est savoir échanger avec ses amis, savoir échanger avec les gens autour de soi. Ça n'empêche pas de communiquer entre nous, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci. Ça va être très rapide. Un petit mot sur Wikipédia. Wikipédia, c'est formidable. Non, mais l'usage, pareil. Enfin, je trouve que trop souvent, on confond l'ancien monde et le nouveau monde. Pour moi, l'ancien monde, c'est des objets finis, des objets délimités, et sur lesquels, qui sont des références. Une encyclopédie universaliste, bon, bah, ça arrivait en 21 exemplaires, et c'était posé sur une étagère, et c'était la même connaissance qui ne bougeait pas pendant toute une vie, parce que quand on s'achetait l'universaliste, c'était quelque chose qu'on était censé garder toute une vie. Aujourd'hui, avec Wikipédia, non, c'est plus le cas. On a une encyclopédie qui bouge avec notre époque, qui bouge avec nos connaissances, qui bouge avec... Enfin, c'est vivant, quoi. Et donc, du coup, c'est l'usage qu'on en fait qui en fait quelque chose d'intéressant et de nouveau par rapport au reste, quoi. Qui peut faire des erreurs? Ben oui, mais même les dictionnaires et les encyclopédies font des erreurs. Mais c'est juste que c'est comme c'est fait par des experts, on n'est pas d'un niveau assez élevé pour pouvoir déceler l'erreur. Après, il faut faire exercer notre scepticisme, comme je disais tout à l'heure. Pareil sur Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative. C'est-à-dire, il y a des experts, il y a des gens qui sont effectivement spécialistes d'un domaine, et il y a aussi des quidam, des personnes communes qui peuvent décider de modifier un article en fonction de critères forcément inconnus. Et c'est tout le problème au niveau de Wikipédia. Par exemple, Wikipédia en politique. Quand on va regarder la biographie des hommes politiques, il faut énormément se méfier parce qu'il faut savoir que généralement, leurs assistants ou eux-mêmes vont faire des modifications sur les fiches pour cacher telle ou telle chose. Quand on tombe sur des domaines qui sont des domaines un petit peu sujets à polémique, on assiste à des batailles au niveau de Wikipédia entre les gens qui s'amusent à modifier les articles à tel point que certaines fois Wikipédia eux-mêmes disent maintenant on arrête les modifications, on ne veut plus de modifications en ligne. Il faut savoir, et c'est tout le problème de ce que je pointais au départ, c'est-à-dire que c'est bien, c'est une source de données, une source de connaissances, mais il est nécessaire qu'en parallèle on ait donné aux gens la capacité d'exercer un esprit critique sur cette connaissance. Quand on regarde par exemple Wikipédia sur la religion, ben on se rend compte que périodiquement il y a des gens en fonction de tel ou tel point de vue, telle ou telle sous-branche de telle ou telle religion qui vont faire des modifications d'articles. Donc ça c'est un point important. Et moi je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Moi j'ai fait un choix depuis la naissance de Google de ne plus exister sous mon nom sur l'informatique. Tout simplement, j'existe sur mon nom quand je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire quand je suis indexé parce que je participe à un colloque à mon nom, mais sinon tout le reste de ma vie, que ce soit au niveau des recherches ou sur les réseaux sociaux, je le fais sous pseudonyme parce que je trouve inadmissible effectivement qu'on indexe l'intégralité de ma vie sans me demander mon avis. Pas parce que je fais des choses pour me cacher, mais tout simplement parce que je ne vois pas pourquoi une société va se permettre d'indexer l'intégralité de ma vie. Alors avec tout le problème que ça peut poser derrière, c'est qu'effectivement la non-existence sur les réseaux sociaux à mon nom fait qu'un certain nombre de personnes se demandent, ou même d'entreprises peuvent se demander, puisqu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir Facebook et d'avoir un profil Facebook, peuvent se demander pourquoi je n'en ai pas. Et moi je l'assume, tout simplement parce qu'un jour j'ai participé à un forum d'administrateurs informatiques et que 3 jours après j'ai vu que ce que je disais sur le forum apparaissait sur le moteur de recherche Google, alors que parce que ça avait été indexé sans qu'on soit au courant et que je trouvais totalement anormal que ça soit indexé, voilà. Ok, donc ça... Ah, Ce sera la dernière question parce que notre prochain intervenant est arrivé, ça tombe bien. Voilà. Une réaction à ce qui vient d'être dit et une petite conclusion si. La preuve que le scepticisme dont je parlais tout à l'heure peut s'exercer. On n'est pas obligé d'accepter les choses qu'on nous donne et on vit dans un état suffisamment libre où on peut dire qu'on n'a pas d'intérêt à faire ça. Personnellement, moi, ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'avais créé je m'étais créé, en fait, de 2007 à, 2010, j'ai créé tout un personnage qui n'existait pas. J'ai un pseudonyme. Et je n'existais sur Internet qu'avec ce pseudonyme. Donc, c'est une manière, comme une autre, d'échapper à ce truc-là. Je crois que la critique est tout à fait légitime. Ce qui est important de comprendre, c'est que la critique est légitime parce que ce sont des principes auxquels nous sommes habitués parce que Internet existe. Parce que d'une, on connaît les risques, parce qu'on peut chercher les risques que ça provoque, parce qu'on peut voir le comportement des autres, parce qu'on peut expérimenter de nouvelles choses. Et voilà. Et donc tout cet ensemble-là qui existe à travers Internet, ce système très scientifique qui est sur Internet, c'est un système que l'on a assimilé et que l'on peut expérimenter sans arrêt et remettre en cause un système et une logique. Et c'est ça que moi je garde derrière tout ça. Et c'est... je dirais pas un cadeau, mais c'est un kudos. Voilà. Si les gens qui étaient là au début de la conférence savent encore ce que c'est que kudos. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Merci de ton intervention. À une prochaine, peut-être pour un autre sujet. Alors, avant de passer au prochain intervenant. On est des bénévoles sans le sou, donc on va vous faire passer une petite boîte à dons. Ça nous permet notamment de, pour notre matériel audio, s'il y a des pannes, etc., de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire de l'éducation populaire sur cette place. Merci à vous. Le prochain intervenant, donc.